Alice, tu es si belle. Mon cœur est lourd, ça fait longtemps qu'il y a ces mots qui le réveillent. C'est un peu comme un volcan qui n'a pas attendu 2 ans pour te décrire toutes les merveilles qu'il y a dedans pour toi. Je sais, j'aurais pu te l'écrire, te le dire sans une chanson, mais je n'ai jamais su te décrire mes sentiments sans être con. Alors quoi de mieux que de passion pour expliquer tous les sourires qu'il y a au fond de moi, et qu'on me laisse encore le temps de dire que sans toi je m'égare. Quand la distance et ce présent nous séparent, et qu'on nous laisse encore le temps de voir où la vie nous emmène, pouvoir te dire à chaque instant combien je t'aime. Je ne sais même pas où commencer. Peut-être au début, tout simplement, un début août, une fin juillet. Pour moi, peut-être un peu avant, je n'ai pas su compter le temps que dure ce premier baiser entre toi et moi. Je ne pourrais pas tout te dire, tu sais tout aussi bien que moi les mots, les rêves et les désirs que tu me donnes à chaque fois quand je te serre dans mes bras. C'est comme ne plus vouloir partir et rester près de toi, et qu'on me laisse encore le temps de te dire que sans toi je m'égare. Quand la distance et le présent nous séparent, encore le temps de voir où la vie nous emmène, pouvoir te dire à chaque instant combien je t'aime. Et laisse-moi juste le temps de dire que sans toi je m'égare. Quand la distance et le présent nous séparent, et qu'on nous laisse encore le temps de voir où la vie nous emmène, pouvoir te dire à chaque instant combien je t'aime.